Transaction majeure chez le Canadien de Montréal, on en parle avec notre ami Dominique Roussel. Salut Dominique. Salut. Dominique, Eric Staal débarque à Montréal. C'est une bonne acquisition, je trouve, pour le Canadien, compte tenu qu'on disait qu'on reprochait aux Canadiens de Suzuki, Kotkaniemi, c'est des joueurs de centre qui ont beaucoup de talent, mais qui manquent d'expérience. Et en série éliminatoire, ça peut lui nuire. Donc, l'acquisition d'Eric Staal est une bonne acquisition, je crois, pour le Canadien. Ouais, je pense que oui, c'est un gars d'expérience, c'est un centre, comme tu dis aussi. Donc, pour les jeunes, c'est un gars qui peut leur donner des trucs, là, un petit peu, avec son expérience. C'est un joueur qui est intense, qui travaille toujours fort. Cette année, ça a été difficile côté pour la production. Il n'a pas marqué beaucoup de buts, pas beaucoup d'assists, mais par contre, il a participé, je pense, à tous les matchs de son équipe. Donc, il semble en santé, fait que ça n'a pas coûté tant que moi, ben cher aux Canadiens. Là. Je pense que c'est un troisième puis un cinquième choix. Fait que ça, c'est une bonne acquisition pour le Canadien. Puis ils payeront même pas son plein salaire en plus. Ben effectivement, parce que mais là, justement, il faut s'attendre quand même à ça. Il était vraiment. Marc Bergevin était vraiment, vraiment sur le cap salarial. Il était à côté sur le cap salarial. Donc certainement qu'il faut s'attendre à quelque chose d'autre, là. Ouais, ben c'est ça. Ben quand on est dans cette situation-là, c'est difficile cette année. Tu sais, il y a des joueurs qui se blessent, des joueurs qui tombent malades. Il y a le cap salarial, c'est vraiment pas facile pour les directeurs gérants. Puis tu sais, Eric Staal, c'est un joueur que si j'avais été le directeur général, j'aurais eu l'œil dessus depuis un petit bout. Fait que ça va être bon pour le Canadien. Puis ça va aider pour améliorer les jeunes. Là. T'sais, on Ah voit oui. des fois, t'sais, des fois ils partent sur des bonnes lancées, les jeunes, ça va bien pendant quelques matchs, après ça écrase un petit peu, fait que ça va être un plus, c'est certain. Puis Marc Bergevin, pour ce qui est d'aller faire d'autres acquisitions, ça sera vraiment pas facile. Il va falloir qu'il donne quelque chose, ne serait-ce que pour libérer de la masse Ben salariale. oui, donc peut-être qu'il faut s'attendre à Paul Byron qui a été liquidé deux fois. Tu peux voir une équipe qui est pas loin du plancher ou qui a encore de l'espace sur le cap salarial. Tu pourrais voir ça, là. Tu sais, on a parlé de Paul Byron, pourrait s'en aller à Chicago, donc certainement qu'il reste la place aux autres aussi. Parce que Marc Bergevin, c'est ça qui est le fun, c'est que lui, là, il a quand même des bons contacts avec les directeurs généraux. Donc, il ne faudrait pas se surprendre de voir peut-être un directeur général rendre service à Marc Bergevin de ce côté-là. Oui, ça se pourrait définitivement. C'est un gars qui est respecté dans la ligue. Ouais. C'est sûr qu'une transaction avec Chicago, c'est toujours plus facile pour lui parce qu'il a été dans cette organisation-là, donc le contact est encore meilleur. Mais tu sais, un directeur général comme ça, que ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, puis qui a joué aussi dans la Ligue nationale, fait que je veux dire, le nombre de contacts, il connaît du monde dans toutes les équipes, personnellement, c'est certain. Fait que c'est un gros avantage, c'est sûr. Il va rester à voir là, ce que ça va donner avec Eric Staal. C'est pas un gars qui va venir marquer 30 buts, là, mais je Non, pense qu'il mais peut rendre des bons services. en série, le hockey change aussi. Ouais, puis c'est un gars de série aussi, bon Ouais, point aussi. C'est un ouais. gars de série. C'est un gars que dans la série, il se présente, puis il fonce au filet, puis il donne son maximum. Mais ça, c'est quoi que ça prend? C'est un gars qui a gagné, fait que ça va juste être bon pour le reste du Effectivement. vestiaire. Dominique, donc la nouvelle vient de tomber. Évidemment, je venais juste de l'apprendre quand tu me l'as dit. Mais je vais y aller avec les chocs que je t'avais demandé. Je voulais te parler, vu que tu es un gardien de but, tu connais le marché, ainsi de suite. Team Canada, on est à moins d'un an des Jeux Olympiques. Carey Price a de la misère. Carter Hart a de la misère cette année. Il était vu comme les deux premiers gardiens de but de l'équipe canadienne. Si les Jeux Olympiques commenceraient, ou encore tu aurais un choix à faire, qui serait ton choix pour le numéro 1 du côté de l'équipe Canada? Pour le numéro un en ce moment, c'est pas un gars qu'on a parlé beaucoup, puis je me demande tout le temps pourquoi. Je me pose la question pourquoi on n'en parle pas plus, c'est Fleury. Ah, c'est clair. T'sais, c'est un gars qui performe année après année, puis quand il y a eu des baisses, ça n'a pas duré longtemps. Il a gagné la Coupe Stanley, il fait un travail extraordinaire depuis qu'il était à Vegas. Un peu comme tu le mentionnes, pour Carey Price, ça n'a pas été une année facile, puis Carter Hart Carter aussi. Hart, très difficile, fait que ça peut pas être des gars qui vont arriver là, puis je pense qu'ils se feront pas donner la job de numéro un. Fait que moi, j'irais avec Fleury. C'est sûr que je prendrais Price, mais je prendrais Bennington avec ces deux-là. Bennington, il a gagné la Coupe Stanley il y a 2 ans. Il commençait la saison, c'était pas super, mais il s'est replacé assez vite. Puis il a l'air d'avoir sa confiance. Fait que, puis pour ce qui est Price, lui, une compétition comme ça peut juste être bon pour lui. On l'a vu dans les séries l'année passée, qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est un gars qui va performer, selon moi, mieux dans les plus gros matchs, les plus grosses situations. Fait que ça, c'est un gars qui pourrait arriver là-bas, puis juste prendre, voler le poste, ou prendre le poste, t'sais, faire le travail, puis c'est tout. Il y a de la politique ainsi dans les choix également. Il ne faut pas se compter d'histoire. Et si Carey Price est encore là, ce sera une question de politique, parce qu'il est aimé, puis il fait partie de la gang. Il y a ça aussi qu'il faut rendre en ligne de compte. Oui, c'est sûr, mais une chose aussi qui revient à chaque fois qu'il y a des sondages auprès des joueurs de la ligue, il est tout le temps premier. Ouais, je Les comprends. joueurs disent toi, c'est le meilleur. Fait que les joueurs ont confiance en lui. Fait que s'il arrive avec Team Canada, puis on dit t'es le numéro un, les joueurs vont être derrière lui, c'est certain. Même chose pour Marc-André Fleury, même chose pour Bennington, mais Carey puis Fleury, je pense que c'est les deux gars qui seraient numéro un et deux pour moi, pour l'équipe. Okay. Dominique, je vais te parler maintenant des Sabres de Buffalo. Ben, on en a parlé avec Eric Staal qui vient d'échanger. Il y a les Sabres qui ont 17 défaites consécutives. T'as-tu déjà été dans ta carrière dans une équipe de même? Pas à ce point-là, non. Ça doit être décourageant un peu. T'sais, il y a quand même du talent à Buffalo. Je dis pas qu'ils ont du talent pour gagner la Coupe, mais sûrement c'est une équipe bien meilleure que ça. Ouais. T'as des joueurs comme Rasmus Dahlin, t'as Jeff Skinner, t'as Jack Eichel, qui c'est pas nécessairement. C'est un bon joueur, mais c'est pas nécessairement développé comme le joueur que. Rappelle-toi, lorsqu'il a été repêché, on disait que si ça pas derrière Connor McDavid, ce serait un choix de premier. Un choix premier overall dans n'importe quelle autre année. Donc ça veut dire qu'il y a du talent dans cette équipe-là. C'est quoi le problème à Buffalo? C'est-tu une équipe fade comme la ville? Parce que c'est fade. J'ai été à Buffalo, puis c'est fade dans maudit comme ville. Ouais, c'est certain qu'à Buffalo, surtout dans la situation qu'ils sont avec le COVID, on est enfermé dans une bulle. Ouais. C'est pas évident. Puis à Buffalo, c'est pas une ville qui a beaucoup de choses à faire non plus. Le problème, là, un des problèmes qui peut se produire dans une saison comme ça, raccourcie, c'est que si ça commence à mal aller, ça peut aller mal longtemps parce que Ouais. t'as pas le temps de pratiquer. C'est match après match après match, puis quand tu sais, t'as une couple de jours pour récupérer, te remettre les idées à la bonne place, travailler, regarder des vidéos, tu peux te replacer plus facilement. Ils n'ont pas été capables de se replacer. Ou si t'es le côté gardien de but, en ce moment, ça va pas bien, là, les blessures. Puis là, c'est Tokarski qui est dans le filet. Là. T'sais, Tokarski, Ouais. il était dans la Ligue américaine, là, Ben si je me trompe pas. Puis je le regardais jouer, là, puis t'es vraiment là, il a non. pas pogné, il a pas le timing encore. On meurt, c'est leur meilleur gardien. Fait que là, il est pas là. Fait que côté gardien de but, c'est pas facile. Fait que des fois, ils vont en donner un ou deux, peut-être qu'ils devraient pas, les gars qui sont là, puis ils marquent pas de but. Fait que, moi, je pense que c'est une situation où l'équipe a tombé dans une léthargie. Ils sont pas capables de s'en sortir parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour se Il n'y avait pas le tourner de meilleur bord, là. entraîneur. Tu as dit que c'était pas nécessairement celui qui a été congédié. C'était un ancien entraîneur de soccer. On était loin des Joel Quenneville. On était loin également des Mike Babcock et autres. C'est vraiment un bon Ouais, entraîneur, ouais. Mike Babcock, là, mais on est loin des Joel Quenneville, des Boudreau et ainsi de suite. Ouais, c'est ça, Galerio. c'est ça, c'est pas dans la même classe, je pense, là. Mais tu sais, ils sont pas capables de trouver vraiment pas leur repère. Ils sont complètement désorganisés. Ça me fait penser un petit peu aux Flyers en ce moment. Flyers de Philadelphie qui sont désorganisés, ils sont perdus dans leur zone. Ils laissent tout le temps un joueur ouvert là, à la porte des buts, puis c'est souvent ce gars-là qui va en mettre dedans. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui fonctionne pour l'équipe. Tu m'as demandé si ça m'était déjà arrivé. J'ai déjà été dans des équipes où c'était difficile là, quand on reconstruisait à Philadelphie, mais c'était jamais là, à ce point-là. Ça, c'est démoralisant aussi. T'sais, c'est côté psychologique. Si tu essaies de remonter, tu dis, on va travailler plus fort, on va travailler plus fort, mais ça ne veut pas décoller, ça ne veut pas décoller. C'est vraiment pas une situation facile. C'est sûr, moi, je les voyais plus haut, là, je veux dire, aller mal à ce point-là, là, c'est assez surprenant. C'est-tu l'entraîneur, c'est-tu le blâme va à qui, t'sais, moi, je pense que c'est vraiment l'ensemble. Si tu regardes tu as parlé tantôt de Eichel, Dallin, tout ça. Eichel a deux buts, là. Ça marche pas, ça marche pas pantoute. Fait que, Ah, tu sais, quand ça c'est un prend. joueur de talent, c'est vraiment, tu sais, puis il y a Skinner qui est pas un mauvais, Taylor Hall, c'est une catastrophe à Buffalo. Moi d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il est allé à Buffalo, là. Mais lui, il a fait un deal d'un an, rappelle-toi, il a fait un deal d'un an, 8 millions, puis il pensait avoir le gros contrat à long terme, mais finalement, il s'est mis un doigt dans l'œil. Dernier point que je veux te parler du Canadien, le Canadien qui a été une semaine de forcé à cause du COVID. Est-ce que ça, là, ils vont savoir, ça va retra... ce qu'ils vont faire, qu'ils vont avoir un Canadien très condensé, penses-tu que ça peut lui nuire? Je pense qu'à court terme, ça peut les aider OK. d'avoir Mais un arrêt comme ça. il va être condensé, le Canadien à maudit, là, avec ça, là. Ouais, c'est après. Fait que, moi, je pense qu'au retour, ils ont un petit avantage sur les autres équipes qui lâchent pas, dans le fond, de jouer parce que tous les jours. Après une semaine ou 2 semaines, là, le calendrier va être, comme tu le mentionnes, extrêmement condensé. Là, ça peut vraiment devenir difficile. Ils seront pas les seuls dans cette situation-là, mais s'ils peuvent partir sur une bonne lancée au retour, là, quand ils vont revenir, s'ils partent sur une bonne lancée à ce moment-là, ça peut vraiment. Ils peuvent aller chercher des victoires collées, tu sais, au début. Puis là, après, ben, c'est sûr, la fatigue peut s'installer. Puis c'était très intense. Je l'ai vécu un peu dans un lockout. On avait fait une demi-saison comme ça, je pense, de 56 matchs. Puis on jouait 4 matchs, 5 matchs par semaine. C'était quelque chose. Mais on s'allait bien, fait qu'on avait juste hâte au prochain match. Le Lightning Mais quand... le Lightning de Tampa Bay vont jouer les 4 matchs en 4 soirs. Ouais, 4 matchs en 4 soirs. T'as-tu vu ça? À la fin du calendrier, le Lightning de Tampa Bay va jouer 4 matchs en 4 soirs. Je me pose des questions. L'association des joueurs fait quoi là-dedans? Tu sais, c'est quand même. Oui, il y a un taxi squad, mais tu sais, je sais pas là. Il y a des risques de blessures. Je suis surpris que l'association des joueurs c'était ça. Ouais, ben c'est sûr, dans la convention collective, il faudrait vérifier, là, mais moi, la dernière fois, j'ai vérifié, dans la convention collective, tu peux pas jouer 4 matchs en 4 soirs, tu sais, fait qu'il faut que l'association des joueurs accepte ce fait-là. Dans le fond, s'ils pensent pour le bien de la Ligue nationale, parce que quelque part, il va falloir que les matchs soient joués, là, ils vont arriver à la fin, là, puis New Jersey, il les en manque, il y a plusieurs équipes, là, qui... Fait que là, ça va être. Puis en plus, ça va être juste avant les séries. Fait que c'est vraiment pas idéal. Mais moi, en tant qu'ancien joueur, mais ancien représentant des joueurs aussi dans la Ligue nationale, je sais comment ça se passe. Je connais un petit peu la mentalité des joueurs. Ça me surprendrait pas que les joueurs acceptent, dans le fond, de plier un petit peu là, pour le bien de la Ligue. Là, puis, Alors, ils sont pas mal plus collaborateurs avec les autres associations au baseball. Du coup, au baseball, l'association des joueurs de hockey, c'est pas l'association des joueurs du baseball. Ils sont beaucoup plus collaborateurs, je dirais. Oui, ça c'est certain. Moi, je l'ai vécu là, quand j'étais dans la ligue. Puis les joueurs, OK, ont souvent eu des critiques comme quoi les joueurs veulent plus d'argent, tout ça. Mais si on met ça de côté, puis on regarde, les joueurs veulent participer aux Olympiques, même s'il n'y a pas de salaire attaché à ça. Les joueurs, ils ont une cédule extrêmement difficile, puis on y va quand même. Fait qu'il faut leur donner crédit aussi, une fois de temps en temps. Fait que je pense que cette année, ils démontrent leur bonne volonté, là. Dominique, on va s'en reparler dans une couple de semaines. C'est parfait. Notre ami Dominique Roussel.